en direct du chalet. Avec Knuckles. Bonsoir, je suis Knuckles et bienvenue en direct au chalet. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en compagnie, encore une fois, de ma fabuleuse équipe. Pourquoi je mens ? De mon équipe. Salut les gens. Salut les gens, salut. Salut. Dans l'équipe, je faisais partie de la mienne à l'époque. Enfin, on a été. Tu fais partie de notre équipe maintenant, tu te chutes. On a été forcé. Et moi j'observe, comme d'habitude. Eggman a encore piraté le réseau. Avant de commencer, merci pour tous vos messages de bonne année. Oui. Pour la petite vidéo de présentation de la prochaine FAQ. Entre beaucoup de questions, on a eu beaucoup de messages de bonne année, de meilleurs vœux, tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite la bonne année à tous. Oui. Bonne et mauvaise année, sûrement. On vous souhaite de survivre encore une année entière. Ouais, parce que c'est pas gagné. Évidemment. C'est pas gagné. Bref. C'est important ici. Oh, bonjour Espion, t'avais pas vu la dernière fois. Oh, mais salut Espion. Salut Espion. Il se cache tout le temps, c'est pour ça qu'il est invisible. C'est un caméléon aussi. Donc il est comme Big, il lurk. Il lurk. Bref. C'est un format un petit peu inhabituel pour nous. On se lance dans le style entre guillemets podcast. Il n'y aura que l'audio, on ne verra pas nos visages. Tant mieux pour vous, vous ne verrez pas Sonic en gros plan. C'est bien pour tout le monde. Parce que les gros plans de Sonic dans 2006, on en a eu marre. Vous pourrez comme ça éviter les cauchemars de Dreams Collection, là, le truc. Là. Et en exclu, petit bonus, il n'y aura pas de temps de chargement. Ouais, on avait pensé à ce format-là, parce que comme ça, c'est rapide à faire. Et comme ça, on vous donne un peu des actualités, du coup, très rapidement, quoi, à ma manière. Quoi. Ça nous permet de discuter de nos projets à nous, ainsi que de l'actualité de Sonic en général. Voilà. Enfin, je précise, l'idée vient surtout de Sonic et Amy, je me suis incrusté, je me suis imposé en tant que présentateur. Oui, voilà, et je ne pouvais que accepter parce que, bon, Knuckles, il a bien droit à son petit endroit, à lui. Le chalet. Et nous, comme on est arrivé. Oui, nous parce attirons qu'on est... comme ça plus de fidèles à Eggmanland. Voilà. On est là. Savoir, ça. Qui l'a invité? Qui l'a invité? Comme d'habitude, je me suis invité tout seul. Exactement. Et nous, on l'accompagne. Jour 1, premier podcast sans sponsorisation par Lego. Je compterai à chaque podcast. Toujours pas de sponsorisation par Lego. Je vous attends. Voilà. C'est vrai, personne veut nous sponsoriser. YouTube a bien voulu nous dire qu'on est des hits, mais bon. On est passé partenaire, non? Oui, oui, pratiquement, oui. On est abonné. On va pouvoir gagner de l'argent. Oui, sauf que Lego, ils sont incapables de reproduire ma moustache. Regardez-moi cette tronche. Ouais, du coup, c'est vrai, ça, on attend maintenant sur YouTube. Je n'ai toujours pas de Knuckles Lego. Où est Knuckles Lego? Je ne le vois pas. Shadow a eu sa boîte à lui, pourquoi pas moi? Oh! Je suis sûr qu'ils ont fait un Knuckles géant à Lego quelque part. Je verrai, il va être d'accord avec moi parce que c'est classe. C'est pas faux. Alors, c'était pas sûrement classe, c'est aussi parce que ils avaient pas trop le choix, tu sais, entre un gun et une brique, tu choisis la brique. Un gun en plastique, on aura tout vu. Bref, si tout le monde est prêt, on peut commencer avec le premier sujet. Oui, c'est-à-dire c'est la récap de l'année 2023, si je me trompe pas. Exactement, on va parler de tout ce que nous avons fait en 2023, ce qui est sorti. Du côté de notre ami Sonic, ici présent, notre ami. Pourquoi je mens? Je m'en tirerai pas. Non, on est frères. Oui. Ça marche bien. J'accepte. Nous sommes tous frères sauf Eggman. Oui, voilà. Eggman, il a piraté le réseau de toute façon. Donc, il est pas au chalet, il a piraté le réseau. Donc il est de sa base. Vector, ça reste à prouver encore. J'ai mis un petit doute. Ça va venir. Ça fait toujours plaisir venant de toi, Knuckles. Je t'en prie, mon pote, avec Vector, plaisir. Vector a prouvé qu'il était très doué pour retrouver de bonnes informations si on en manquait. Oui. Et oui. Oui, c'est vrai qu'on peut toujours compter sur lui là-dessus. Ah bah oui, il nous a bien aidé quand on a fait l'épisode sur Retiremaker. Oui. Normal. Alors, les jeunes appellent ça être un stalker, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je suis un enquêteur. L'enquêteur des Chaotix. Exactement, c'est Big le stalker. Eggman aussi. La dernière fois qu'il est venu à mon banquet, il s'est présenté comme étant 007. J'ai pas compris sur le coup. Mais pour le moment, les seules enquêtes que nous avons eues, c'était retrouver le chat de crime, bien sûr. Qui c'est, Big? Le chat? Ah, je ne sais pas. Non, attends, un autre Big. Petit chat. Big, ça serait, pas le, ça serait pas le gros chat violet? Ah bah c'est Big alors. Ah bah c'est Big. C'était lui qui était caché derrière le Parce qu'il est gros, alors. Parce que s'il est pas gros, dans ce cas c'est Blaze. Oh putain, pardon, j'ai vu Big derrière la fenêtre. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait là encore? Big, sérieux? Je fais que regarder. Casse-toi, Big, casse-toi. Froggy n'est pas là, tu peux t'en aller. Mais oui, laissez-le, le pauvre. Tu viendras au chalet la prochaine fois, promis. Je n'ai pas d'un bras chat pour toi, va-t'en. C'est pas grave, je vais juste regarder. Enfin, il viendra s'il réussit à passer la porte. Oui, c'est vrai. Il va casser le chalet en entrant. Bon, Sonic, fais-le entrer, qu'on en finisse. Bon, d'accord. Ouais, c'est bon, Big, tu peux venir. Bon, merci. Rentre ton ventre avant. Bonjour. Je devrais te mettre au sport. Bonjour. Ouais, c'est pas faux, ça. Là-bas, tiens. Oui, c'est vrai que j'avais pris des gâteaux pour tout le monde. Attends, ah, chouette. Ah, ouais, t'as bouffé. C'était pour nous, les gâteaux. Alors, j'ai apporté des cookies pour tout le monde. J'ai apporté, parce que je savais qu'il y aurait Shadow, la cafetière. Ah, c'est trop chou, voilà. Merci, Amy. Allô, tu veux calme-toi, on peut pas manger, de toute façon. Ah, bonne ambiance, servez-vous. Depuis qu'on fait ce podcast, on a réaménagé un petit peu le chalet, et depuis, ça rend vraiment bien, là. Et avec la cafetière qui est parfaite. Oui, c'est parfait. Shadow, c'est goûté du bon café. Shadow, c'est goûté du bon café. ok, donc du coup, pour revenir au sujet, ce qu'on a sorti en tout premier, c'était les DLC de Sonic Frontiers, je crois, le premier des trois DLC. Exactement. Je suis jouable, putain de merde, ça y est. Ah, ça, j'avoue que c'était trop bien, ça. Pouvoir jouer Tails, Knuckles et Amy, ça, c'était vraiment génial. Il n'y a qu'un seul DLC, Sonic Frontiers. En fait, c'est trompeur, mais ils disent tous DLC. En fait, c'est juste des updates, en fait. C'est juste les trois mises à jour de Frontiers, en fait. Mais tout le monde appelle ça DLC, et c'est vrai que c'est trompeur, et du coup, j'ai gardé DLC aussi. Techniquement, les DLC, c'est les tenues qu'on t'a données, Sonic. Ça, c'est un DLC, les tenues qu'on t'a données. Oui. Un petit déguisement Monster Hunter qui t'allait si bien, tu étais si sexy. On appelle des skins. Moi, j'appelle ça un cosplay. Moi, je l'aimais bien, mon costume de Noël. Mais je suis troublé, Amy. Il s'agit plus de ta version, donc de ta nouvelle version, ou lorsque tu as obtenu ce marteau magique, ou alors c'était la première version où tu avais une robe verte et des cheveux un peu plus courts. Oh, je me souviens plus. Ah, le bon vieux temps. Ouais, ça remonte à loin, oui. J'en ai aucun souvenir. Allez. En tout cas, les gars, ce que je me souviens, en tout cas, de ces mises à jour de Frontiers, c'est que vous avez vraiment un gameplay vraiment très sympa, quoi. Knuckles, j'ai eu un peu du mal à... Le seul truc qui m'a un peu déçu avec Knuckles, c'est qu'il pouvait pas grimper partout comme prévu. C'est quoi ce délire? Il devrait grimper partout. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, compris. J'ai tellement des murs à moi, de ma couleur à moi. Pourquoi? Oui, c'est bizarre, quoi. C'est... J'étais pas très... Alors, Knuckles, on est en manque d'endurance. Eh oh, ça va, hein. Toi, t'étais même pas là. Enfin, si t'étais là, mais tu faisais acte de présence, rien de plus. Oui, bon, bah, j'étais là pour passer un petit coucou, quoi. Oui. Tu fais genre, t'as servi, mais t'as ramené une seule émeraude, alors c'est bon, hein. Ah, bah, que veux-tu, hein, c'était celle de la brocante, hein, à un moment donné. Et retrouvez bientôt les épisodes de Eggman la brocante. Très bien. Par contre, je sais pas si c'était juste moi, mais j'ai pas trouvé que le scénario était vraiment changeant de la... du truc de base, hein. À part qu'on soit jouable, ce que je trouve vraiment sympa, parce que je crois que ça, soit on n'a jamais été jouable, soit ça fait tellement longtemps que je m'en souviens plus. Non, je vais éviter de compter les Mario et Sonic. En fait, l'histoire, c'est juste un rajout à l'histoire, ça change pas vraiment le défi de l'histoire, mais ça rajoute juste un petit chapitre entre les deux, en fait. Ça change pas, Sonic, t'as développé le Super Saiyan 2, excuse-moi, mais si ça c'est pas un changement, je sais pas ce que c'est. On attend toujours le feat avec Son Goku. J'ai trouvé que j'ai eu un appel d'un mec bizarre avec une voix super stridente qui m'a dit qu'il aimerait bien se taper contre Sonic. Je dis ça, je dis rien. Alors bon. Je crois que ça s'appelle Végétal. C'est un légume. Faut voir. Quoi? C'est un battre légume, contre un légume, je sais pas. Parce que quand son rival s'appelle Carotte, on ne peut plus rien faire pour eux. Je sais pas, je suis pas assez vegan, alors du coup taper des légumes, je suis pas sûr. Végétal, le restaurant auquel je vais des fois exploser des trucs. Tu vas me battre contre un restaurant? Elle est bien bonne. Et son fils? Son fils, un végétal, il s'appelle pas Caleçon? Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? On n'est pas censé parler de notre actu plutôt que de parler de celle d'une autre franchise. Oui, c'est vrai. Bah oui, bravo. Sinon, pour revenir, Alors, sinon, pour revenir sur Frontier, j'ai aussi trouvé que c'était vraiment très, que c'était, il y a vraiment eu une hausse de la difficulté de cette aventure-là par rapport à Frontier. Frontier, ça allait, mais là, c'est, on est à un niveau, c'est encore plus dur que Unleashed. C'est le DLC dont on parlait là. Oui, l'update, oui. Ça rajoute. Pourtant, Sonic Eggman Land, tu en as de très bons souvenirs, non? Ah, c'était un paradis. Il se faisait mal tout le temps. Il percutait les murs à chaque fois. C'est un bel endroit, patron. Oh, quand même. Ça va faire partie des trucs qu'on va pas parler, je pense. Ah, des étoiles dans les yeux, j'en ai tous les jours. Et tout le reste dans les fesses. On n'a pas de cul, je te signale. On est des bambiens, on n'a pas de cul. Non, on rebondit. On est comme des babales. Ouais, c'est voilà, on se met en boule. On a aussi Origin Plus là qui est sorti du coup Origin Plus. En fait, c'est surtout là, c'est vraiment un DLC par contre, parce que là, il fallait le payer pour l'avoir. Hein. Ouais. Et dans Origin Plus, en fait, du coup, on a l'arrivée de Amy qui est jouable pour la première fois. Enfin, classique Amy du coup. Donc la première Amy. Oui. Bah oui, moi quand j'étais jeune, forcément. Et ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui attendaient que Amy soit jouable, comme pour Frontiers d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que rien que grâce à Frontiers, grâce à Origin Plus et grâce à Superstars et Dream Team, ça on va en venir après justement. J'ai trouvé que l'année 2023 c'était vraiment l'année de Amy parce que elle a jamais été aussi jouable que cette année-là, je trouve. Elle est apparue partout. Oui. La dernière fois qu'on pouvait jouer Amy, c'était dans Sonic Adventure. Sur Dreamcast. Oui, ça remonte à vraiment très loin. Et sur, Sonic Advance 3 aussi. Donc ça remonte vraiment à très loin. Peut-être que ça va être une ouverture à de nouvelles perspectives et peut-être que plus d'entre nous seront jouables à l'avenir. Ah bah sans doute. Hein. Déjà, pour venir à Sonic Dream Team, là, qui est aussi sorti là, à la fin de l'année, on a Cream qui est jouable à nouveau aussi. Et ça, c'est pas négligeable non plus parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Cream. Presque plus longtemps que Amy. Et oui, malgré sa médiocrité aussi de gameplay, je me souviens très bien de très bons moments où Amy conduisait sa petite voiture sur Sonic Air. Ça fait longtemps, ça. Une très bonne pilote. Merci. De rien. Et... Extrême, tu fais des compliments assez louches. Restons discrets. Et on a eu aussi Superstars, là, qui est sorti. Pareil, aussi, Amy est également jouable. Quelques instants plus tard, après une subite absence de Knuckles. Donc, alors voilà. On était où? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il était allé au chiottes. Problème à l'extérieur du palais. Tu fais une drôle de tête. Mais ça fallait pas le dire, Sonic. Oui, les toilettes sont à l'extérieur, c'est pour ça. C'est bon, patron, on a fini de piéger les toits. Oups, je pense qu'on va s'en aller. Où ouais, est-ce que vous êtes? À tout. Bon, sinon, est-ce qu'on peut reprendre où est-ce qu'on en était, là? Il m'a perturbé, Knuckles, en sortant. Je parlais. Qu'est-ce que j'ai raté pendant la grosse commission? Pendant ma sortie tout à fait normale. Ah, tu parlais, je crois, de Sonic Superstar. Oui, j'en venais à Sonic Superstar et je me mentionnais le fait que Amy était aussi là et en 3D en plus. Et mais classique Amy, toujours. L'apparition de Amy, et oui. C'est dommage que Tails soit pas là parce qu'il m'a dit qu'il avait joué et qu'il avait trouvé ça comme un espèce de Kirby. Je sais plus ce qu'il en a pensé, mais c'est dommage qu'il soit pas là. Ouais, c'est intéressant. Il était occupé, malheureusement. C'est quoi ça, un Kirby? C'est un truc rose et rond, je crois. Ouais, ça avale des trucs. C'est un truc rose et rond, mais c'est pas Amy. Ah, c'est pas le... Ah, c'est pas le truc qui chante là dans Super Smash Bros? Non, c'est l'autre. C'est l'autre truc rose. Ah, Super Smash. Celui qui peut m'aspirer. Oui, voilà. D'accord. Oui. Apparemment, il a quel, ça doit dire quelque chose. Et apparemment, il aspire plus de trucs que Biggs. On dit aussi Kirby à Val Biggs, qu'est-ce que ça va donner? Donc calme-toi s'il te plaît, tu crées des images bizarres dans ma tête. Oui, aussi là, j'ai des choses bizarres dans la tête, faut que Parce qu'on est dans le chalet. Kirby dans le chalet. D'ailleurs, en parlant du chalet, j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Vous avez invité quelqu'un? Ce serait Charmy, on l'a pas entendu encore. Allez, Ah bah le voilà, mais j'avais raison. Charmy, qu'est-ce que tu fais là? Bah alors. Enfin là. Je me disais que j'ai eu un petit peu de retard, Charmy. Ouais, désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a deux robots qui ont essayé de m'attraper, c'était horrible. Eggman. Désolé, patron, on l'a manqué. De peu. Ah, tant pis. On essaiera une autre fois. Moi, je dois sortir le Valameur. Faites-le sortir tout de suite. Amy, tu sais ce que tu as à faire. Mais non. Ne casse pas l'écran de la caméra. Rah. Ah, des mythes. Aïe, aïe. Je sais que c'est Eggman, mais je le plains. Comme ça, tu vois ce que j'ai subi. Tout le monde est là, c'est le plus important. Donc, Sonic Superstar, c'est vrai que c'est un bon jeu, si je dois donner mon avis. Je dois avouer que c'est un super jeu. J'étais en train de parler, Victor. Oh, ça va, on t'entend jamais de toute façon. Alors, oui, je disais que c'était un super jeu. Justement, laisse-le parler, le pauvre. Non, c'est pas grave, je vais déprimer dans mon Mais coin. Si. Oh, allez. Allez, Spio, vas-y. Victor, tais-toi, laisse-le un peu parler, un petit peu. Laisse découvrir les sensations que Vector a apportées avec ce jeu. Non, c'est vrai que je suis coquille. Bon. Du coup, je dois avouer que ce jeu est plutôt sympa, notamment pour les petites cinématiques qui reprend le style graphique de Sonic Mania, qui a été un des meilleurs jeux de 2020. Oui, j'avais beaucoup aimé ça, les cinématiques, elles sont vraiment très mignonnes. C'est ça que tu veux dire? J'y étais pas. Ah si, j'y étais. Mais qu'est-ce que je raconte? Moi, j'y étais. Si, j'y étais. Et tu y étais. Je m'en rappelle plus, ça raconte tellement loin. Si, oh, c'est vrai que ça remonte pas tellement loin, mais tu étais dans le jeu Sonic Mania. Franchement, qui me joue encore dans un jeu Sonic? Franchement. Moi, ça m'arrive. Je te joue parfois. Moi aussi, ça m'arrive. Il y a lui et un certain internaute de ta chaîne YouTube, je sais pas comment il s'appelle, Lord quelque chose, il me joue beaucoup apparemment, je sais pas, je comprends pas trop. Ah bah tu vois. Tu vois, la Terre ne t'a pas abandonné, pas comme moi. Allez, câlin. Shadow qui fait des câlins, c'est une première. Je pense que c'est le... Alors, Shadow, c'est le bon moment de parler de Sonic Prime parce que t'as quand même eu, si je puis dire, ton Prime dans cette série. Ah oui, c'est vrai. Très belle apparition dans Sonic Prime, je suis vraiment d'accord. Ouais. On va essayer de pas faire trop de spoil parce que c'est vraiment tout récent, qu'on vous laisse le temps un peu de voir les... Mais en tout cas, nous, on n'a pas été du tout déçus de cette saison 3, en tout cas. Je pense que vous allez adorer. Il est super sympa, il m'a laissé carte blanche. Bon, sauf pour tuer des gens, mais malheureusement, ça, je ne peux pas le faire devant les enfants. Ouais, je crois qu'ils ont, fait un peu machine arrière depuis Shadow the Hedgehog. Ils ont peut-être trouvé que c'était un petit peu trop too much. On retrouve la dynamique du grand frère. Oui, c'est vrai. Exactement, oui. Et peut-être qu'un... À la limite de plus que ça, hein, quand même. Oui, du paternel, mais on est dans une vraie confirmation sur ce que je deviens aussi, hein, plutôt que de me créer plusieurs fins différentes. J'ai compris la blague. Bah, je trouve que c'est une... C'était une bonne remise en scène pour toi. J'étais vraiment contente de te voir. Oui, c'était vraiment bien. Moi, j'étais très content d'y jouer. Tant qu'on parle de Shadow, tu as eu ton propre... Ou pardon, je t'ai coupé, Amy. Excuse-moi. Même si je tiens à dire, pour une série qui se base sur des multivers, je suis quand même triste qu'on n'ait pas eu droit à d'autres versions de Sonic, ou même de Shadow. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Sonic et Shadow, et... Non, mais c'est parce qu'il n'y en a qu'un dans le multivers, en fait. C'est un être cosmique, cosmico-cosmique. Oh, t'es quoi? Ta gueule, c'est magique, allez. C'est le Christ cosmique, c'est ça? Alors, en fait... grand monarque. Alors, en fait, la théorie de cette série, ce serait que, justement, Sonic... Ce n'est pas du spoil, c'est dans la saison 1, je précise. Mais dans la saison 1, rappelez-vous que Sonic, étant un petit maladroit de temps en temps, a cassé le prisme du paradoxe. La théorie serait que, justement, vu que ça soit lui qui l'ait brisé, eh ben, ça soit lui qui soit... entre les dimensions. Donc, si Tails, par exemple, c'était lui qui l'avait cassé, ou si ça m'étonnerait, eh ben, il y aurait eu des versions alternatives de Sonic. Ça se tient, après, ça. La théorie pour Shadow, c'est que justement, vu que Shadow n'est, sans vouloir te vexer, pas techniquement un vrai hérisson, c'est peut-être normal qu'il n'était pas compté dans le paradoxe. Ça se tient aussi. Oui, ça se tient. Mais ça aurait quand même été drôle de voir d'autres versions de Sonic. Oui, j'aurais été curieux de voir ça aussi. Oui, parce que la seule version, de Sonic que j'ai vue, c'était Chaos Sonic et... Justement, ça m'aurait pas été un véritable allié de choix dans l'équipage de Terreur. Oui. Chaos Sonic est en gros un Metal Sonic, mais bon, je m'égare. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est Metal Sonic? Je sais pas. Hein, il a. C'est une autre itération de Metal Sonic. Ouais. Possible. Encore. Hein. Ouais, je dirais que c'est une Metal Sonic, mais dans une version Neo Yacht quoi. Et ce que je voulais dire tout à l'heure avant que Amy continue sa phrase, Shadow, tu n'as pas eu que cette série. Tu as eu ton propre mini-film, une petite vingtaine de minutes rien que pour toi. C'est vrai, projet Shadow, oui, c'était, ça avait le l'air projet bien. Shadow. Alors j'étais très très content, parce que déjà il y avait deux acteurs humains qui étaient très très très bons, qui savaient très très bien jouer. Surtout, j'étais très très surpris de voir une version différente du Dr. Eggman qu'on avait à l'époque. Un Dr. Eggman plus compatissant, un peu, certes toujours un peu fou, mais un peu plus compatissant et plus conscient de ses créations. C'est pas Eggman, c'est Gérald Robotnik. Gérald Robotnik. Le grand-père de Eggman, justement. Ouais, oui, je l'ai confondu, oui, c'est sûrement la moustache. Et puis, oui, facile à confondre, oui. Dis-toi que un a des cheveux, l'autre non. Ah bon, je vois. Il a des cheveux, Gérald. Oui, il a des Gérald cheveux. A des cheveux dans... Ouais, dans mais très peu. Dans ce petit film. On parle bien de Gérald Robotnik, hein, pas de Gérald le sorceleur, là, quand même, non? De quoi tu parles? Ah, parce que je connais qu'un seul Gérald qui a des cheveux, c'est le sorceleur là dans The Witcher. Hein. Le Gérald Robotnik, moi, dans mon souvenir, il a pas de cheveux. Alors Gérald, il a un peu de cheveux. Ah, d'accord. Il a un bug de cerveau. Ah, non. Bah voilà, t'as fait bugger Charmy. Ah, pardon. Le prochain jeu, c'est Dream Team. C'est un truc avec plein de couleurs et des bonbons. Ah oui. Oui, ça avait l'air mignon. En plus, il y a Krim qui revient dedans. Malheureusement, étant détenteur ni d'iPhone, ni de Samsung, ni de quoi que ce soit, je n'ai pas d'écran. Je n'ai pas pu y jouer. Moi pareil, j'ai pas pu y jouer, malheureusement. Moi de même, tous les téléphones, je les pète. Pourquoi faites-vous ça, ces gars? Laissez-nous y jouer. On n'est pas riches, laissez les pauvres jouer. Appelez simplement Pomme. Pourquoi une société qui s'appelle Pomme prend l'exclusivité sur un jeu aussi bon? Parce que j'y suis. Tu crois que ça aurait été différent si à un moment donné, voilà, je sais pas, la société se serait appelée Noix de Coco? Oui, ça aurait été très différent. Il y aurait eu plus de ventes. Il y aurait eu l'image du Pokémon. Il se serait appelé Raisin. Raisin. Oh mon dieu, un téléphone qui s'appelle Raisin. Et Chilidog alors? Chilidog, ça pourrait marcher. On s'égare, je pense. Calmez-vous, s'il vous plaît, les garçons. Mais c'est pas un fruit. Mais c'est pas un fruit, le Chilidog. Si, c'est un fruit pour moi. Voilà. Bon, sujet suivant. Victor. Évitons de laisser nos estomacs parler. Vous avez les cookies juste là sur la table. Ah oui, merci. C'est vrai, les cookies. Oh, merci. Voilà, donc contentez-vous de ça et parlons de Dream Team. Bon, du coup, on en est où pour la suite? C'est des résolutions pour le nouvel an, je crois, c'est ça? Exactement. Oui. Ah, vous avez prévu quoi? Tu me l'avais un peu imposé cette question, donc quelles sont vos résolutions pour cette année? Dites-nous, moi j'en ai pas, donc je vous laisse parler. Bah, allez-y, vous, moi je fais en dernier. Ben, honneur aux dames, Amy. Alors, on va continuer ce qu'on est en train de faire. Donc, tous les comics, tous les dubs et tout, on va terminer I See the Light qu'on avait commencé, je crois, en décembre. Oui. Je crois. C'est quelque chose qu'on va terminer en priorité. Pour ensuite faire la suite de My Gal qui s'appelle. Boom Baby. Oui, voilà, qui est très très demandé. Parce que, oui, voilà, on nous l'a beaucoup demandé et c'est vrai qu'il est particulièrement mignon. Du coup, bah, j'ai très hâte qu'on s'y mette et voilà. Ça dit, ça va être quelque chose, hein, quand tu vas faire Amy qui est en train d'accoucher, ça va être difficile, je sens. Je vais donner tout mon cœur. Et ensuite, je vais dériver sur quelque chose qu'on aimerait bien faire plus, c'est des let's play. Oui. Personnellement, j'aimerais me lancer dans un let's play de Pokémon. Parce que j'en ai envie. Oui, donc ça par contre ça va pas être sur ma chaîne, ça va être sur la sienne du coup. Je laisserai un lien dans la description, vous verrez. Oui. Donc suivez sa chaîne, c'est bien. Dans le let's play de Pokémon bleu, tiens. Voilà. Ça va être chouette. Bah, j'essaierai de passer pour voir un petit peu. Voilà, donc si jamais ça vous plairait de me voir jouer à Pokémon, n'hésitez pas à venir voir, à venir vous abonner et à suivre nos aventures. Oh, j'ai même le nom parfait. Ça sera pas du rétro gaming, ça sera du rétro gaming. J'aime bien. Ah, je valide. G'AMY. Bravo, tu sais écrire. Mais attends, c'était une insulte, ça? Bon, je... voilà. J'ai pas trop de choses à dire pour l'instant. Mm-hmm. Je vais laisser la parole à qui veut. Eh ben pourquoi pas moi? Ouais, vas-y, c'est quoi tes résolutions? Eh bien moi déjà, avec les chaotiques naturellement, parce qu'on est nouveau, qu'on est arrivé en fin d'année et qu'on n'a apparu sur aucun comics pour le moment, eh ben on fera en sorte de s'améliorer le plus possible, de pouvoir participer avec l'équipe, et même de trouver d'autres comics où nous apparons. Parce que pour le moment, on n'en a que deux. Oui. Apparition. Vous en faites pas, on va bien trouver des comics à force, quoi. Déjà deux, oui. c'est déjà pas mal, mais je suis sûr qu'on va en trouver plein d'autres après. D'ailleurs, les gens, si jamais vous trouvez des comics que vous trouvez intéressants et tout, et que vous voudrez qu'on double éventuellement, n'hésitez pas à les poster. Hein. On verra si ça vaut le coup ou pas, et on les doublera peut-être. Demande des graphistes aussi, ça peut être utile. Oui, on cherche aussi des graphistes éventuellement, oui, ça pourrait servir. Ah bah je connais un graphiste, mais bon, je lui demanderai. Pourquoi pas. À toi, Estio. Moi, surtout, c'est de pouvoir m'améliorer le plus possible. À force, je sens que je vais bien trouver ma place dans cette équipe. Oh, toujours tu fais ton modeste. C'est une résolution noble. Moi, je sais pas trop. C'est quoi tes résolutions? C'est ce que tu te promets de faire pour la nouvelle année. Oh, manger plein de bonbons. Bon, ça, je pense qu'il peut y arriver, oui. C'est ça, au moins, il sait qu'il peut y arriver. Eh ben, je laisse la parole. Ah. Attendez, nous alors? On n'a pas le droit à nos résolutions parce qu'on est des robots, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites là? Vous, je croyais vous avoir viré. La porte de derrière est ouverte. Bon bah allez-y, tant que vous y êtes. Oui, parce que ne pas donner des résolutions à des robots, c'est robophobe. Alors moi, mes résolutions, ça sera de faire en sorte que Eggman m'aime le plus possible cette année. Je ferai du bon travail. Bah, bon mais courage. Qu'est-ce que vous faites ici, bande de gros feignants? Allez, venez par ici, je vous ai dit de venir. On est banni, donc on vient. Allez. Ah, oh, super, il m'aime déjà cette année. Allez, bah, dans la soucoupe. Oh non, s'il vous plaît, pas la soucoupe. Bon, bah, si, la soucoupe. Bon bah, avant de disparaître, sachez que mes résolutions, ça sera d'avoir le plus d'informations possible pour aider la Sonic Team. Et la Eggman Team, s'il me laisse encore en état. Bah, merci beaucoup, Robot. Voilà, envolez-vous vers notre tueur. Merci, bye. Voilà. Ok, ensuite, qui c'est qui a... Bah, Shadow, c'est quoi tes résolutions? Eh bien, moi, mes petites résolutions, ça serait toujours de continuer cette aventure, de présenter nos aventures avec les comics, mais surtout également de toujours protéger Krim de tous les dangers qui pourraient arriver. Oh. Et oui, parce que malheureusement, elle s'est maniée un petit peu... J'ai pas parlé de Krim 64! Oui, bah... J'ai pas parlé de Krim 64, voyons! Bah, j'allais y venir. Ah, tu vois, Marie 64? Crime 64! 64 crimes! Tu vois Mario 64, Shadow? Oui, je vois. Bah, c'est pareil, sauf que c'est avec crime. Oh! Oui. Et crime collecte aussi des étoiles maintenant? Elle me surprendra toujours. Il y a quelqu'un qui a à peu près ça, oui. Elle me surprendra toujours. C'est un mode de Mario 64 qui est extrêmement bien foutu, en fait. Et justement, c'est une de mes résolutions pour cette année, c'est de faire un let's play entier sur ce jeu-là. Seul ou avec Krim ou avec Amy ou avec les autres. Peut-être, je vais essayer de voir si Krim aussi peut participer. Ça serait bien qu'elle fasse le commentaire sur son propre jeu. Oh, mais pas de soucis. Et après, bien sûr, pas de champignons. Hein. Non, aujourd'hui, elle apprendra à manier avec moi les AK-47. Chargé. Shadow. Ça promet. Sache une chose, Shadow. Bientôt, elle aura un vrai père. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, là? De quoi? Oula. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas bien entendu. Je crois avoir entendu quelque chose. Père adoptif, bien sûr. Père adoptif et père de cœur. Je sens du Vectilia là dans le coin. Je sens des carottes pour la peintre. Ou du Vanor, comment on dit? C'est quoi le nom du chip? C'est Vectilia ou c'est Vanor ou... Je ne sais pas le nom. Quand c'est des gosses tous les deux, c'est Dark Vanor ou... On ne se bat pas dans le chalet, s'il vous plaît. Cette fois, c'est Drake, c'est moi qui l'a dit. Et Knuckles, il a pas dit ses résolutions encore, non, si? Ah oui, quelles sont tes résolutions, Knuckles? Avant de dire mes résolutions, Amy, il n'y a plus de gâteau. C'est pour ça qu'il a déjà tout bouffé. J'ai pu en prendre qu'un ou deux. Espèce de morphale, j'en avais fait pour tout le monde. Pas de soucis, je vais en refaire. Oui, je vais en refaire avec toi, tiens, bouge pas. On va en faire tous. Heureusement que la nouvelle cuisine du chalet est équipée. Merci. De rien, je nettoie la vaisselle. Mais dis donc, t'es bien gentil aujourd'hui, toi. Faut bien que je fasse quelque chose pour la bonne année, non? C'est vrai. Faut s'en contenter parce qu'après, ça, faut s'en contenter parce que c'est que pour aujourd'hui, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et sinon, Knuckles, comme résolution, j'en ai une pour toi. Arrêtez d'être un goinfre. Alors, ah oui, c'est ça une belle résolution. Mais, attendez, je vais juste fermer la porte. Je ne veux pas que Rouge entende cette résolution. Oh. Ouh. Je compte lui partager la garde de l'émeraude. Oh. Ouh, ça c'est... Waouh. Mais la foi prendre. C'est pas une résolution, c'est un cadeau d'anniversaire à ce niveau-là, là. J'ai une demande en mariage, presque, même, à ce niveau. En avant dans votre relation. Elle m'a prouvé son talent de gardienne au fil des années. Bon, elle reste un petit peu têtue sur les bords. Elle m'est... J'ai appris au fil du temps qu'elle sait se battre, qu'elle peut être une très bonne gardienne pour mon émeraude et je pense pouvoir lui faire confiance. T'es sûr? Parce que quand même, c'est une grande relique. Fais quand même attention. Ouais, c'est qu'elle maintient toute une île en lévitation, quand même. Je sais très bien. Elle a fait preuve d'une grande gentillesse il y a quelques années. Si, pour ceux qui s'en rappellent, Sonic Adventure 2, elle m'a offert les morceaux de l'émeraude qu'elle avait, entre guillemets, volés. Elle me les a rendus en sachant très bien quelle valeur elles avaient pour moi. Donc je sais très bien qu'elle ne fera rien de mal à ma précieuse émeraude et à ma précieuse île. Oui. Donc je pense pour lui faire confiance. Donc elle est restée honnête. Oh, c'est trop mignon. Que personne lui répète avant son anniversaire. Je vous promets. Promis, on dira rien. On dira rien, surtout avant le mariage. Ça restera entre nous entre les milliers de personnes qui vont écouter le podcast. Voilà. Bien sûr. Vous entendez les gens du podcast, hein. J'oubliais qu'il y avait d'autres gens qui écoutaient. Botus, c'est Mouche Cousu, c'est votre Venise. Allez. Voilà. C'est qui ce Motus? Sonic c'est Motus. Voilà, Motus et Charmy, c'est... Voilà. Oui, on l'a appelé. Oui. Non. On joue avec les mots. Ah, d'accord. Oui, ah, voilà. Est-ce que tu peux coudre un truc? Oh voilà. Refroidis-les, Charmy. Refroidis-les. Oui, c'est bon. Ils sont là. Tes résolutions, tu les as pas données, tes résolutions, Sonic? Bah oui, Sonic. Ah oui, on les attend. Exact, j'oubliais. Oui, bah mais... Bah, ma résolution, oui, j'avais dit justement, c'est de faire un let's play sur Super Crime 64. Ah oui, désolé, je t'ai volé. C'est ce que je m'en suis souvenu, oui. Comme je parlais de let's play juste avant. Et voilà, puis de continuer à faire des dubs avec la team et de trouver tout plein d'autres de nouveautés pour vous divertir et tout. Rien que ce podcast, déjà, c'est... Quelles sont vos attentes et vos prévisions pour cette année, pour 2024 Oui, 2024. Il n'y a pas le troisième film Sonic qui va sortir cette année? Si, il va sortir. Évidemment. J'ai hâte de voir d'ailleurs. Et toujours avec Shadow. Oui, mais forcément... ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que certes, on a vu mon aura et mon design et ma prestance à l'écran, ce qui est certes réel. Mais bon, si c'est pour toujours faire du baseball dans une ville paumée, je vois pas vraiment l'intérêt. Hein. J'aimerais quand même beaucoup plus courir et tirer sur des trucs, voilà. Techniquement, ce que je suis censé faire parce que j'ai été créé pour ça. Peut-être que tu serais le méchant de ce film. Parce que si t'es réveillé par le gouvernement... Oui, je me rappelle plus. Est-ce qu'on te trouve ou on te voit juste dans le caisson? Je me rappelle plus. Je crois qu'on me voit dans le caisson. Oui, mais il n'y a personne autour. Oui, il n'y a personne autour. Ok, non. D'accord. Voilà. C'est... D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé. J'ai pensé que le caisson, c'était un caisson picard. Donc on sort en fait un Shadow comme une glace. T'es sûr? Parce que dans le caisson, en fait, c'était un liquide alcoolique pour éviter que tu moisisses. Ça s'appelle une parodie, monsieur. Avant de poursuivre le sujet, je tiens à mettre en garde tout le monde, que ce soit vous tous ou les personnes qui vont regarder ce podcast. Faites attention parce que je me suis mis aux réseaux sociaux il y a peu et j'aurais pas dû. J'ai vu des... Comment on appelle ça? Des storyboards. Les storyboards? Ah oui, les exemples de scènes. Des storyboards du final notamment de Sonic 3 et de ma série. Attends, ça a leaké, tu veux dire? Il y a des leaks? Oh non! Il y a eu des malheureusement, oui, beaucoup de leaks massifs. Faites attention, notamment, les gens. Oui. Notamment une des scènes de fin de Sonic 3. Je l'ai malheureusement vue et je ne souhaite que personne d'autre la voie. Faites attention. Si vous voyez quoi que ce soit qui peut se rapporter au film Sonic 3 ou à ma série, ne regardez pas, passez. Évitez un maximum, c'est vraiment pas cool les spoilers. Voilà, soyez prudents. Parce que comme ça. Ce que je peux vous dire en ayant vu tout ça, c'est que ces programmes valent la peine d'être découverts à 100%. Donc oui, faites mais attention. Quand ils sont finis, quoi, parce que faut avoir des spoilers. Oui. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un storyboard n'est pas forcément définitif. Donc peut-être qu'ils vont changer des trucs encore en cours de route. Donc perds pas espoir, oui, Knuckles, de ce côté-là. Déjà, les storyboards, c'est même pas censé être révélé au public, normalement. Oui. Je ne sais toujours pas comment c'est apparu sur Internet, mais... Ça me rappelle, l'année dernière, Miraculous. Toute la saison 5 de Miraculous avait été complètement leak, avec des spoilers de partout. Okay. C'est quelque chose que j'avais vu passer et qui avait énervé énormément beaucoup de gens. Du coup, je comprends ce qui peut... Je comprends comment ça peut être et... faites attention à vous, les gens, et faites de votre mieux pour éviter les spoilers. Merci, Amy, pour ce petit passage. Merci beaucoup. Et sur le film, en tout cas, moi, il y a une chose sur laquelle je suis intransigeant, c'est qu'il y a absolument intérêt à ce qui est mis dans le film. Sinon, je les boude. Oh oui, je suis d'accord. Parce qu'il faut absolument qu'elle y soit, parce que de toute façon, il faut qu'il y ait un peu l'inclusion féminine dans tout ça, quoi. Les mobs, c'est tous des mâles, et mettez une femelle au moins dans le tas, quoi. Ah ben oui, surtout, ou alors mettez rouge si vous voulez. Surtout qu'elle fait partie de l'équipe, entre guillemets, principale. Elle fait partie de l'équipe principale, ça m'étonnerait qu'elle ne finisse pas dans ce film. Oui. Donc, et je suis navré, bien que les gens veulent bien pouvoir le dire, Sonic n'est pas une princesse. Non. Oui. Pourquoi ? Ah non, c'est des spoilers, il y a des spoilers. Mais non, on va rien dire. On va laisser les gens deviner. C'est par rapport. Désolé, je vous ai spoilé, il y aura Princesse Sonic dans Sonic 3 avec une belle petite robe pailletée. Désolé, c'est ça que j'ai vu. On a dit qu'on ne parlait pas des spoilers. Ne parlons pas des spoilers. Bah, vous savez quoi, je sais que Shadow est déçu de l'avoir appris avant moi. Ouais, je vous jure, s'ils me mettent franchement avec une robe comme ça, s'il y a Amy dans le film, je leur pardonne ça. Voilà. C'est leur Sonic. Sinon, après ça, maintenant, c'était quoi le prochain truc à faire ? Je pense qu'on a épuisé tous les sujets. Oui, oui. J'avais prévu une petite surprise pour la fin, Sonic, en fait. Sonic, tu m'as parlé d'une idée. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de questions pour la FAQ prévue pour plus tard cette année, il a été décidé que, à chaque podcast, une question sera tirée au sort parmi toutes celles que vous avez posées, et on y répondra à chaque fin de podcast, histoire de clôturer, comme il se doit, ces épisodes. Au moins pour ce podcast-là. Après, je sais pas, ça dépendra du nombre de questions qu'on a. Mais c'est le projet prévu. On va prendre une question au hasard. On va la regarder dans ma liste. Tirer la question au sort. Il y a pas de main innocente, donc je vais demander à Sonic. Amy est une main innocente. Voilà, donc on a 132 petits papiers sur le... Innocente, quelqu'un d'innocent ne m'aurait pas ban à mort sans raison. Voilà. Il y a Charmy juste là qui a Charmy, c'est très bien. Voilà. Donc Charmy, ça te fait plaisir. Vas-y. Alors, on a ce bocal-là avec 132 petits papiers dedans, il faut que tu en tires un. 132 ? Oui, c'est le nombre de questions qu'on a eues. 131, ça fait 1... Pioche, Charmy. Ok. Voilà. Alors, c'est le numéro 113. Alors, la question 113. Ah oui, c'est celle-là. Il faut bien qu'on prenne une question qui soit bien pour nous et pas pour quelqu'un d'autre. C'est une question pour Knuckles. C'est pour moi. Voilà, c'est une question... Ça ne faut être que pour moi, dis-moi. C'est une question de... Oula. Ils ont toujours des noms tordus là sur internet, c'est fou ça. Je suis pas sûr. Attrapez voir. Ah oui, on dirait qu'il a écrasé sa tête sur le clavier. Oui, c'est bizarre, voilà. Donc c'est une question pour Knuckles. Alors Knuckles, comment ferais-tu revenir ton peuple des Échidnés ? Comment est-ce que tu les ferais revenir ? On m'a parlé de... Au même titre que le 7 émeraude du chaos de 7 boules, avec des étoiles dessus, qui me permettrait de réaliser n'importe quel vœu. Et parmi ceux-là, on peut ressusciter des êtres vivants. Je pense que ça me paraît être une bonne solution. Je pars à la recherche des 7 boules des étoiles. Je m'en vais, au revoir. En dehors du crossover, s'il te plaît. En plus, la personne entre parenthèses a précisé pour cette question, rouge souffrira. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah bah moi je sais pourquoi. Moi j'ignore. Rouge ne demande que ça, elle ne demande que des dossiers sur moi, de la part de mon peuple, mais bon ils m'ont pas connu très longtemps. Mais moi je sais pourquoi Rouge risque de souffrir, entre guillemets bien sûr. Et bah c'est parce qu'il faudra utiliser l'émeraude mère pour ça. Ah oui. Aïe. Ah oui, le gros diamant. Ah oui, c'est vrai, ça, la Master Emerald, elle peut pas faire ça. Je ne pense pas que l'émeraude ait le pouvoir d'altérer la vie ou la mort d'un être vivant. Sinon, ça aurait déjà été tenté. Ça aurait déjà été tenté de nombreuses fois, je pense notamment à une certaine Cosmo qui a été une alliée de rêve. Non, c'est différent, elle continue à pousser. Oui. Oui, je suis sûr qu'elle va finir par germer pour de bon et qu'elle va revenir. Faut pas perdre espoir. On parle aussi de... Il n'y avait pas une petite bestiole avec toi, Sonic, un certain Chip? Ah oui, Chip, je m'en souviens un peu. Oh, il me manque beaucoup aussi. Malheureusement sacrifié devant Dark Gaia. Oui. Il me manque beaucoup aussi. Quelqu'un de vaillant, lui. C'était un bon gars. On ne l'oubliera pas. Oui. Oui. Bisous, un fier combattant. Salutations aux braves. Puis, si c'était le cas, je pense que du coup, Tikal aurait pu sortir de l'émeraude en depuis longtemps. Elle y arrive d'une certaine manière, déjà. Mais d'une certaine manière. À tous les personnages qui ont été d'une manière ou d'une autre supprimés de nos vies, je vous salue. Et on vous aime. Vous étiez de braves guerriers, nous vous oublierons pas. Honneur à vous, les soldats. Et on vous aime très fort. La Team Sonic pense à vous. Notamment tous les cocos. Ah, il les cocos perdus. Chacun de mes tirs vous vengera, vous n'en faites pas. Merci de nous avoir suivis, merci à vous tous d'avoir été là, sauf à Eggman. Heureusement qu'il est parti. Je ne suis pas parti, je suis sur le toit. Ah, je le savais. On est toujours là, ouais, et on tient à dire au revoir. Les robots voulaient quand même vous dire au revoir. D'accord, mais après vous fichez le camp. Oui, okay. Oui, bien sûr. Allez, dis au revoir les robots. Au revoir, Telmo. Au revoir à tous. Au revoir et merci beaucoup pour nous avoir suivis. Voilà, abonnez-vous, likez, etc, etc. Et oui. Merci d'avoir été avec nous en direct au chalet. Faites tout comme ils ont dit, je sais pas comment ça marche moi. La Sonic Team vous embrasse. Faites des dons. Voilà. Faites des dons. Merci, au revoir, bisous. Et à bientôt. À bientôt, bye et portez-vous bien. Bye. Bye. Bye. Bye.